I am Pain. Pain. Pain. It's Pain. Alive! Musique du genre métal a très souvent eu et a encore aujourd'hui mauvaise presse. Le métal est associé à la violence et à la décadence. Pourtant, les amateurs de ce style sont majoritairement tous pacifiques. Le métal est la musique par laquelle se rassemblent les non-conformistes et tous ceux qui ne désirent pas faire partie d'un troupeau dont les individus sont quasi tous identiques. Le métal se traduit donc généralement parlant par une identité propre et une allégeance. Dans les faits, le métal n'a rien de mauvais et permet de canaliser les diverses énergies négatives et frustrations subies au quotidien dans une boule d'énergie qui purifie le tout. C'est donc du positif qui en ressort. Il y a les groupes et artistes qui en font la propagande de cette musique, mais il y a aussi les diffuseurs tels que nous, Réanimation, qui en font la promotion. Et voilà un point, le moins contradictoire. La musique métal est un mouvement rassembleur et loin d'être malsain. Mais Réanimation va complètement à l'inverse de cette philosophie. Nous n'aimons personne, ne voulons voir personne et sommes totalement pourris jusqu'à la moelle. Vous êtes donc en droit de vous demander quel est le bon ou le mauvais choix. Réponse, le métal est bon et Réanimation est mauvaise. Il faut donc choisir Réanimation. Voici donc Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, son assistant qui joue à l'avocat du diable, surtout lorsque client et défendeur sont la même et unique personne. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause Pendragon said so. Go.

Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Attention, attention, dernier rappel pour l'embarquement du vol 89.1. De Mexico à Tokyo ou de Barcelone à Melbourne, vous vous envolerez chaque lundi midi avec moi vers une destination différente dans le monde. Attention, c'est un départ pour la prochaine escale. Attention, veuillez boucler votre ceinture de sécurité. Prochaine escale à... Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 28 mai de l'an de disgrâce 2013, dernière édition du mois. Je suis l'infâme Dr. Payne Pendragon et mon chose là, c'est Sinistrose. Mm-hmm. Je ne sais plus quel. Ah oui, c'est vrai, t'étais maître des balais. Maître des balais, oui. Ouais. Je suis comme Doom Doom, finalement, avec toucher la tortue. Oui, ben en fait, si on compare les deux, je pourrais dire que l'un ne valait pas vraiment mieux que l'autre. Là. C'est une très belle comparaison pour notre part. Effectivement. Ben bon, je me suis assez calé pour la soirée. Allez, toucher, vas-y. Oui, toucher. Comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Oui. Ça fait du bien d'avoir eu un petit peu de lumière, malgré que nos teints verdâtres le supportent mal. Là, mais... Oui, mais c'est sûr qu'à passer une fin de semaine dans la flotte... Ben, c'est 16 jours de pluie, là, ou à peu près. Là. Disons que ça empêchait de faire certaines choses. Hein. Un petit peu. Bref, mais on va recommencer ça demain. Parce que on s'entend-tu dans un cimetière, quand il pleut comme ça... Ça devient vaseux. C'est plat, un petit peu. Oui, creuser devient très laborieux, parce qu'un coup de pelle, ça déboule. Là. Bon. Mais... qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Pas grand-chose. Business is business. Eh oui. And business is bad. Oh oui, and business is bad, ouais. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation canadienne Sacrifice et la pièce The Great Wall qu'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, soit en 2009, The One I Condemn. Lorsque Sacrifice avait fait un passage au Trois-Rivières Metal Fest, en 2011, si je ne m'abuse. 2011. J'avais demandé à Rob, le chanteur et guitariste, s'il y avait des projets dans l'air pour Sacrifice de refaire un enregistrement studio des albums. Et il m'avait dit que non. Je lui avais demandé pourquoi. Il m'avait dit que c'est pas tes maudites affaires. C'est en plein, ça. Non. Il m'avait dit, écoute, il dit, on l'a refait là parce qu'on avait eu une demande, parce que le momentum était bon. On était tous inspirés pour le faire. On fait quelques spectacles à l'occasion, mais on n'a pas de planning pour revenir en studio. Mais il y a un avantage avec ça. C'est que tu sors un bon album après X années d'absence. Ouais. Tu fais un très beau retour. qui est fesse dans mythe, quelque chose qui fesse dans mythe. T'arrêtes ça là. Mm-hmm. Là, le monde. Là, tu peux te faire désirer, là. Ben, c'est ça. Tu peux te faire demander, même. Ben, te faire demander, mais tu peux te dire que on a accompli quelque chose. Oui, absolument. Puis on est encore très fort, puis, tu sais. Je pense que c'est le band qui laisse un. C'est un band qui laisse un excellent souvenir d'un retour. Oui, effectivement. Contrairement à beaucoup d'autres formations qui ont décidé de reprendre du service et d'arriver c'est avec poche, des. Là. Oui. Et avec des produits qui sont. Je parle produits autant au niveau album que spectacle qui sont très moyen, voire des fois médiocre. Mm-hmm. Fait que je pense que, effectivement, la recette peut être bonne de dire, ben, on arrête t'es mieux ça. T'es mieux d'arrêter ça là pendant que t'étais au top. Pis, tout à fait, absolument, c'est vrai. Auparavant, nous avions la formation Anthrax, et semblait-il ce qui est la meilleure pièce de Sinistros de cette formation, et IR. Ouais, c'est une pièce remplie de souvenirs. Remplie de guitare aussi, hein. Remplie de guitare, effectivement. De drum et de bass. Ah, ça, j'avais pas remarqué, non? J'avais pas remarqué, bon. Ça. C'est pas grave. C'est la pièce d'ouverture du deuxième album de... Mais en fait, c'est le deuxième album qui s'appelle Spreading the Disease. Eh, Seigneur! Ça a été difficile, celle-là. Non, c'est parce qu'initialement, je vais te dire pourquoi. J'avais choisi la version sur The Greater of Two Evils. Ah, est-tu différente? Oui, passablement différente. Elle est très bonne, mais elle est différente. En fait, toutes les reprises de cet album-là qui sont sur les trois premiers albums. OK, OK, ça, c'est l'album qu'ils ont refait avec John Bush. Là, oui, tout à fait. Que c'est un bon album. C'est un album de reprise par Anthrax, si on veut. Mais j'avais opté finalement pour l'original et sur mon canevas, j'ai laissé le titre de Greater of Two Evils. C'est ce qui m'a fait bafouer okay. Un petit peu. Bon, c'est ça. Auparavant, nous avions Coroner et la pièce Fried Alive que l'on retrouve sur l'album R.I.P. ou Rest in Peace ou Requiem in Patches selon votre allégeance, paru en 1987 sur Noise. Formation qui, elle aussi, a repris du service, mais par contre, n'a encore absolument aucun planning de retour en studio. Ce ne sont que des apparitions dans certains festivals, principalement européens, bien entendu. Nous avions Probat auparavant et la pièce Centuries of Sin, qui est interprétée par Kronos. Kronos qu'on le connaît bien sûr pour Venom. C'est paru en 2004 sur Sword and Lord. Et nous avions débuté avec Merciful Fate et la pièce d'ouverture de l'album Don't Break the Health, soit A Dangerous Meeting, paru en 1984 sur Roadrunner. C'est un des très bons albums de Merciful Fate. Ben, les deux premiers, en tout cas. C'est vraiment très excellent. Ouais. Ils se sont peut-être un petit peu égarés par la suite. Hey, d'ailleurs. Bon, ben, je reviendrai avec ça tout à l'heure. Ben, c'est ça, reviens donc. Je vais faire un parallèle avec une série télévisée, mais aussi avec King Diamond. Ça va être très drôle. Ben, en fait, j'ai trouvé ça très drôle. J'aurai quelques chroniques cinéma un peu plus tard dans la soirée, quelques chroniques musique aussi. Et encore une fois, je vais m'excuser à l'avance parce qu'il se pourrait que je perde la voix éventuellement. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Oui, pour toi, oui. Sauf que malheureusement, pour les auditeurs, ils pourront pas lire sur mes lèvres. Non. Puis comme toi, je ferai pas la traduction. Ouais, ben toi, t'es pas justement pas assez intelligent pour pouvoir le faire, fait que tu pourras pas servir de translator. C'est pas que je suis pas assez intelligent pour le faire. C'est quoi? C'est que tu vas pas assez clair? Je suis trop machiavélique pour le faire. OK. Je pensais à dire que je suis trop intelligent pour le faire. Aussi, là, mais tu m'enlèves les mots de la bouche, me sauve. Hein? C'est la première chose que je t'enlève. Le reste, tu vas voir, ça va être un peu plus douloureux. Je suis désolé, je suis encore accablé d'un microbe viral, virus, exécrable, chose mélangée ensemble, qui, malheureusement, je ne le souhaite à personne présentement parce que c'est très long. Pour une fois, il y a quelque chose de plus exécrable que moi. Oui, effectivement. Et le pire, c'est que je dois cohabiter en permanence avec lui. Donc, ceci étant dit, je vous reviendrai avec d'autres chroniques. On a bien sûr une émission fort chargée encore une fois. Cette semaine, ni moi ni Sinistros avons opté pour faire des présentations d'albums en particulier parce que nous avons décidé, non pas d'un commun accord, mais bien individuellement, qu'il y avait rien qui correspondait à l'animation qui valait la peine d'être présenté. C'est en plein, ça. Donc... Pour faire suivre ton spécial trash. Ben oui. Ben, je vais en faire un moi aussi. C'est une bonne idée. Oui. Fait qu'on va pouvoir faire une belle continuité, puis on va pouvoir faire semblant que c'est un spécial d'un commun accord. Oui, puis on va pouvoir faire semblant que c'était pas arrangé du tout. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, Exodus, avec une pièce qui s'appelle Piranha, tirée de l'album Bonded by Blood de 1985. Oh, excuse-moi, je pensais que c'était Bonded by Bob. Non, c'est pas Bonded by Bob. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. C'est paru sur Torrid Records en 1985. Oui, effectivement. Alors, allons-y tout de suite. Nous aurons d'autres surprises dans ce bloc de 5 pièces. On vous revient après cette hécatombe musicale. Exodus, go!

vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Du 18 mars au 1er juillet 2013, participez au concours de photos « Vue d'en haut ». Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez un des nombreux plans d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des certificats cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Maïka Aventure, Parc de l'île Saint-Quentin, Parc de l'île Melville, Tremblay Photo et le Musée québécois de culture populaire. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Le concours de photos Vue d'en haut 2013 est une présentation de Projet Eau Bleue RBC et BVSM. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! C'est fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Je ne vous souhaite pas la bien. Oh non, je l'ai déjà dit. Ça. Ah, tu te répètes, c'est ça la vieillesse, hein? Oui. Ah. C'est temps plein, ça. Ah oui. Et avant la pause publicitaire, nous avons eu un autre petit bloc de trash bien old school avec Venom, like Twill and Back. Tiré de l'album Black Metal de 1982, on a eu Slayer. C'est drôle, hein? Depuis 82, je trouve pas que la production s'est améliorée, moi, de cet album-là. Non, ça change pas. Hein? C'est vrai, à chaque fois qu'on l'écoute, il sonne toujours aussi... aussi mal. Ben, il sonne mieux que Welcome to Hell, toujours. Ouais. Oui, effectivement, ce qui est pas peu dire. Non. On a eu Slayer avec Kill Again, tiré de l'album Hellways de 1985. C'était paru sur Metal Blade à l'époque. Destruction et Mad Butcher tirés du mini-album Sentence of Death de 1984. Ça va eu Celtic for Us avec Jewel Throne tiré de Tumega Terrain. C'est excellent ça. Oh, excellent album de 1985. Et on a parti le bal avec Exodus et la pièce Piranha tiré de l'album Bonded by Blood de 1985. Hey, tu sais que notre acteur fétiche à tous, Christopher Lee, ben, à tous, je sais pas, mais ben, à nous autres, oui. À tous les fans d'horreur et de Hobbit qui se respectent. Christopher Lee, qui a eu 91 ans cette semaine. Oui, oui, 91 ans. Eh bien, il vient de sortir un album de heavy metal, plus précisément de power metal. Oui, il fait le vocal. L'album s'appelle Charlemagne, The Omens of Death. Et c'est en plein ça. Oui. Alors, moi, je vais être très curieux d'entendre ça. Moi aussi, je suis très même curieux. Même que je suis vraiment agréablement surpris que sur Metal Archive, maintenant, Christopher Lee fait partie de Metal Archive en tant que band. Oui, c'est effectivement vrai. C'est disponible depuis hier. Moi, je m'attends pas à ce que ce soit autre chose que du power metal, évidemment. Mais non, mais déjà là... Ben oui, mais un gars de 91 ans. 91 ans qui fait du power metal, je trouve ça cool. Puis... T'sais, qui de mieux que Dracula et Frankenstein et Saruman lui-même ben faire oui. un album de métal? Ben oui. Oui, puis je suis curieux d'entendre quel type de vocal il a adopté. Hein. Ben d'après moi, ça va être très classique. J'avais entendu ce qu'il avait fait, parce qu'il a fait une couple d'albums plus symphoniques. Oui, il y a quand même... Il y a une voix de ténor assez impressionnante. Je regarde sa discographie, là. Ça... part en 1984 avec un single qui s'appelle Captain Invincible, Name Your Poison. Ouais, mais ça, c'était pas métal. Non, je peux pas te dire, je sais pas. En 98, Sings Devil, Rogues and Other Villains, From Broadway to Beirut and Beyond. Je peux pas te dire, c'est un full length. En 2006, Revelation. En 2010, Charlemagne 2. By the Swords and the Cross, qui est un full length. Donc, il remet ça pour pratiquement la troisième fois, parce qu'en 2012, il y avait un single sur le même nom. En 2012, un EP, Heavy Metal Christmas. Je n'ai pas entendu. Et là, ben, Charlemagne to the Omens of Death, qui est sorti hier. Ben, c'est quand même cool, ben, je trouve. C'est cool. C'est un acteur quand même icons, là, quelque part, au niveau de ce qui est film horreur et fantastique. Donc, et c'est pas peu dire qu'à 91 ans, enregistrer un album métal, ben, il y a même des vétérans de seulement 50 ans qui le font plus. C'est ça. Ceci étant dit, en passant, c'était pas mal poche ton bloc. Hein. Je sais. Non, c'était bien. Je voulais juste te dire qu'il y a une autre rumeur qui court autour de Slayer. Hein. Ben ouais, du coup, il y a un paquet de rumeurs. C'est sûr que Gary Holt ferait partie de Slayer présentement. De façon officielle. De façon officielle. Est-ce que Gary Holt va être capable de concilier Slayer et Exodus? C'est ce que nous verrons. D'après moi, oui, parce que c'est deux bandes qui tournent pas excessivement, énormément ouais. non plus. Ouais. D'autres rumeurs qui disent que la tournée, la fameuse tournée serait comme annulée, ben, que l'histoire de Jason Newsted, ouais, ce serait comme serait un genre faux. De canular. Quelle histoire que Dave Lombardo aurait été remercié, c'est pas vrai, ce serait simplement qu'il n'aurait pas signé son contrat de tournée à temps. C'est ça. Bon, en fait, un paquet de choses comme ça. Il y a une nouvelle rumeur qui tourne que le remplaçant, la tournée a bel et bien lieu, parce que présentement, on s'entend qu'il y a juste Kerry King du groupe original. Mm-hmm. Si la tournée a bel et bien lieu, le remplaçant de Tom Araya, qui ne peut pas pour des causes de santé se joindre. Mais ça sera Sinistros. Ben, c'est pas une rumeur, si tu le dis, là. OK. Je peux te savoir des backstage pass. Je peux te savoir des billets gratuits, des t-shirts. J'ai hâte de me voir chanter Killagan, moi, puis monter ça dans l'hype. Moi aussi, j'ai bien hâte. D'ailleurs, ça fait déjà un mois que j'ai laissé des eaux au soleil pour l'occasion. Pour être sûr. Donc, ça serait probablement Pierre Marcotte qui le remplacerait. Ah, c'est très bien. C'est très bon choix. C'est un bon choix, hein? Oui. Surtout au niveau visuel, là. Oui. Pardon. Avec sa touffe frisée. Hein? Angel of Death. Oh, Angel of Death. Catalogue. Knock to the Kingdom of the Dead. Il pourra probablement le faire en catalogue, français. Catalogue, Butcher, Angel of Death. Catalogue, Butcher. Aïe, aïe, il est mon beau Pierre Marcotte. Bon, oui, OK. Il est fin, Pierre. Ça a l'air qu'il est vraiment fin, par exemple. Pas sûr, mais... Oui, c'est pas des blagues. Tu te rappelles le Great White North Record? Oui. Un des deux partners là-dedans, Master, qui est un chic type d'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, est un chef cuisinier depuis bien des années et il est chef au Hélène de Champlain. D'accord. Qui est le restaurant de Pierre Marcotte. Mm. Et il m'a toujours dit, sans blague, que c'était vraiment un très chic type. Mm. Fait que bon. Il a juste fait une gaffe dans sa vie, c'est probablement marié chez Shirley Théo. Ah, ben là, non, fait tous des gaffes de ce type. Oui, mais pas de Marie-Charles Thiroux. côté album, n'oubliez pas que le nouvel et dernier album de la formation The Devil's Blood, sera disponible le 11 juin prochain. Même date de sortie que pour le nouvel album de Black Sabbath, 13. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'entendre les deux, là. Et que le 26 juillet, ce n'est pas si loin que ça, Legion of the Damned. Oh que oui. Oh yes, monsieur. Parlant de petite musique du genre peu... Recommandable. Aujourd'hui sortait l'album de Blood Ceremony qui porte le nom de Eldritch Dark, qui est une formation que j'ai connue l'an dernier en première partie de Ghost, c'est une formation canadienne, qui donne dans une espèce de... Sorcière métal. Ouais, c'est stoner. Ben plus hard rock. Doom, hard rock. Ça. Cet album-là est beaucoup plus rock, je te dirais, que hard rock. OK. Bon, moi, ça me plaît, je suis un amateur de rock, là. Ça me plaît, mais écoute, il y a... C'est plus doux que l'autre avant? Oui. Okay. C'est même plus, comment je te dirais, plus mélodique, quelque part. Okay. C'est un petit peu plus sec. On reconnaît les influences Sabbath, évidemment. On a même l'impression, des fois, qu'il y a des riffs à la Heart. Oh! Puis à la Uriah Heep, de la façon qu'ils utilisent le B3. OK. Moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça assez correct. Pas tout l'album, parce qu'il y a deux pièces facilement qui sont assez, je dirais, très tranquilles, là, quasiment berceuses, là, que j'ai pas vraiment aimé, là. Mais il y a certainement au moins quatre vraies bonnes pièces sur l'album, là, que j'ai trouvé, bon, rock, là. On s'entend qu'il n'y a rien de métal là-dedans, mais j'ai quand même donné un 7.5 sur 10. Mais la chose que je voulais dire, c'est que j'ai fait une drôle d'erreur en supposant, en acquérant cet album-là, en ayant en tête que c'était The Devil's Blood. Et j'ai été très surpris en écoutant la première pièce. Voyons, ils sont bien bizarres. Ils ont bien changé de style, eux autres. À un moment donné, j'ai dit, ben non, c'est pas ça. Pas bonne affaire. Bon, en tout cas, quelle bonne blague. Pour les amateurs de Skinny Puppy. Oui, dont je suis. J'ai eu la chance d'entendre le tout nouvel album Weapon. Semble-t-il que c'est vraiment un retour aux sources. Ben, ceux qui ont, comme nous, ont pas aimé Andover puis qui ont pas aimé Mythmaker, ben, vous allez être heureux d'apprendre que cet album-là, ils font un retour effectivement comme aux sources avec un son beaucoup plus sec. Ils sont allés repuiser dans les synthés vintage avec les arpégiateurs et compagnie. Les Oberheim et compagnie. Ah oui, c'est des grosses machines. Il a ressorti l'artillerie lourde. Beaucoup moins de sampling vocaux. C'est plus concentré sur la musique en tant que telle. Nivek Hogger a un vocal comme à l'époque de Bites ou Remission. Okay. Même que la dernière pièce de l'album, on a vraiment l'impression que c'est une tune qui aurait pu se figurer sur Remission. Puis ils refont Solvent à la sauce d'aujourd'hui. C'est très, très bon. Un album que je recommande. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Au véritable amateur de Skinny Puppy, vous allez voir. Oui, c'est pas tout le monde qui aime ça, évidemment. Non, ça. Là. Mais moi, j'étais très découragé des deux derniers albums. Oh, je me disais, ce band est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais non, heureusement, si tu me dis ça, ça me donne vraiment l'espoir de pouvoir retourner les voir avec dans de bonnes conditions. Bon, on s'entend que quand on est allé les voir la dernière fois ensemble, ils ont fait des gros canons, là. Ils ont pas assommé avec Mythmaker. Non. Ils ont vraiment fait des gros hits. C'était vraiment une soirée extraordinaire. Je vous parlerai du cinéma un peu plus tard. J'ai quand même quelques trucs à vous parler à ce niveau-là. Là, pour l'instant, on va aller faire un tour dans un style musical... Je dirais néo-romantique. Ah non, pas oui. De ça! Oui, oui, la... Comment il s'appelait déjà, les autres? Platinum Blonde, c'est ça? Platitude Blonde, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un spécial de ça, d'ailleurs. Ah! C'est quatre pièces tirées du dernier album de Platinum. T'as-tu du Duran Duran aussi? Ben, je peux t'en mettre. Oui, j'aimerais t'aimerais ça. T'aimerais ça? Oui. OK. Mais une autre fois. Simple Minds aussi, si t'es capable. Bon, ben, t'as toujours visé mon bloc. Non, c'est un bloc qui, je dirais, à moitié gothique, à moitié... j'irai pas jusqu'à, voyons, vais-je le dire, folklorique, c'est pas vrai, il y a des essences de ça là-dedans, puis très evil, bref, il y a un mélange de toutes sortes de choses. On va débuter avec Moonspell et la pièce Axis Mundi, qui est la pièce d'ouverture du dernier album, Alpha Noir. Alpha Noir. Alpha Noir. Alpha Noir. Go. with. Falling leaves in every soul. Equinox in every word. In every we Ta voix, ton parfum, le grain de ta peau. Si tu savais comme j'ai le goût. L'amour est la poésie des sens, mais n'oubliez pas qu'il est aveugle. Au pays, une personne sur sept développera une maladie oculaire grave au cours de sa vie. Le mois de la santé visuelle souligne l'importance qui doit être accordée aux soins oculaires et invite les gens à être vigilants en ce qui concerne leur santé visuelle. INCA est un organisme de bienfaisance qui se consacre à la sensibilisation du public, à la recherche et à la prévention de la perte de vision. Visitez desyeuxpourlavie.ca. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Je meurs-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été, à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. 20h30. Et nous sommes désolés pour ce petit blank que nous avons eu tout à l'heure, quelques petits problèmes techniques. Ça vaut juste laisser le temps d'apprécier quel était le silence à travers ce chaos musical. Puisque nous avons eu juste avant la pause publicitaire la formation Rotting Christ, une pièce tirée du dernier album Kata Ton Daemon Hetoi Iwa Wudu. C'est une excellente pièce. Oh, ouais. J'aime beaucoup le titre aussi. L'album est excellent. Oui, c'est un très bon album, mais tu sais, je trouve ça drôle de dire Iwa Wudu. Iwa Wudu. Voilà. C'est sur l'étiquette Season of Mist. Juste auparavant, nous avions Malakesh et la pièce Letters to Sumeria, que l'on retrouve sur l'album Emissaries, qui est paru en 2007 sur Osmose Productions. Fentrol et la pièce Sang, que l'on retrouve sur. Et puis là, je déteste dire ce nom d'album-là. Ur Jordan's Jupe. C'est pas là. T'es bon. Ben oui. Ah oui. Je suis sûr qu'il m'entendrait dire ça, puis il dirait. Parce que ben, il nous écoute, là. Il donnerait des. Oh, ben nous autres, on est très populaires en oui. Finlande. Oui, c'est ça, effectivement. Pour tous nos auditeurs finlandais. Il me donnerait des cours en disant, regarde, c'est pas ça, pas tout, faut que tu dises. Mais. Faut que tu parles le troll. Oui. Puis savais-tu que c'est du suédois en passant? Ils chantent en suédois, oui, effectivement. Parce que le chanteur est suédois. C'est ça, hein, je pense. Je pense que le band est finlandais, mais le chanteur est suédois. Oui, présentement, le chanteur. Non, c'est un finlandais, mais ouais. C'est au départ, il avait décidé de chanter en suédois parce que ça faisait encore plus troll. Ah, OK. Tu as une raison. Ben oui. C'est paru en 2007, puis je ne redis pas le nom de l'album, sur Century Media. Nous avions ouvert avec Moonspell à la pièce Access Monday, qu'on retrouve sur la dernière parution de cette formation. Alpha Noir, paru en 2012 sur Napalm Record. Formation, voyons, vais-je le dire de leur origine? Moi, j'étais capable. Non. J'ai toujours un blanc de mémoire avec ce maudit pays-là, je sais pas pourquoi, qui vient du je vais le chercher, je vais vous le dire tout à l'heure. Okay. Bon, OK. Petite chronique cinéma. On se posait la question, toi et moi, il y a quelques semaines, quel était pour être le résultat du film de Walt Disney, plus précisément de Sam Raimi, Le Monde Fantastique d'Oz. Et la réponse, c'est pourri. Non, c'est pas vrai. Pourri! Non, mais j'avais la curiosité parce que j'aime beaucoup ce que Sam Raimi a fait, autant pour Evil Dead, bien entendu, puis sa saga d'Evil Dead, que pour, entre autres, Spider-Man. Mais je me disais, Sam Raimi, qui s'attaque à un truc comme le. Ben, pas le Magicien d'Oz, mais quelque chose du genre, là. Je me disais, ça devrait être spécial. Ben, il a bien fait le travail. C'est très, très féerique, là, OK? Et c'est pas un remake du Magicien d'Oz, pas non, du tout. Non, ça se passe avant. Ça se passe avant. En fait, c'est. Donc, comme... ça laisse la place pour un remake du Magicien d'Oz. Effectivement. L'histoire raconte ce qui est arrivé à Oscar Diggs, qui se fait nommer Oz, étrangement. Lorsque le début est un peu similaire parce que tu te rappelles que dans l'original, Dorothée est emportée dans une espèce de tornade de l'Arkansas vers Oz. C'est un peu la même chose. En voulant fuir le cirque ambulant dans lequel il fait partie parce qu'il les a légèrement, disons, fourrés, il s'enfuit en ballon et le ballon est pris dans une tornade qui l'amène au monde d'Oz. Mais il y a un petit côté evil. Sam Raimi a un petit côté evil. Ben, c'est bien. J'aime mieux ça. Que ce soit trop gentil. Non, non, c'est sûr que dans des films comme ça, c'est préférable que le petit côté evil ressorte. Ben, c'est normal parce que tu sais que personnellement, qu'il y a la dualité entre le mal et le bien. Ben, c'est un peu là. Comme les histoires des frères Grimm. Oui, c'est ça. Les histoires originales, ils sont pas mal plus evil que celles qu'on connaît présentement. Tout à fait. Là, absolument. Tout à fait. Donc, je dirais que c'est un film... J'ai donné une cote de 7,5 sur 10. C'est pas un film parfait. C'est pas un film qui s'adresse à tout le monde. Faut que t'aies un peu l'esprit ouvert puis un peu l'esprit enfant là, pour aimer ça. Mais ça s'écoute très bien et l'imagerie est extraordinaire. Okay. C'est vraiment très, très bien. À écouter en Blu-ray, j'imagine? Si possible. Ça donne un excellent coup de main pour apprécier là, le, en fait, l'effet de grandeur. Exactement, c'est le terme très approprié, l'effet de grandeur. J'ai écouté autre chose aussi... Tu vas d'ailleurs te rester très surpris. Je suis pas sûr que ça m'attire. Ça. Bon. Ben, moi non plus, j'étais pas sûr. Hein. Je suis pas un très grand fan d'Arnold Schwarzenegger. Ben, surtout depuis qu'il a quitté son son trip d'acteur pour devenir Governator. Puis là, il est fini, son mandat est terminé. Oui, mais là, parce qu'il est redevenu acteur, mais... vieillissant pas mal. Bon, écoute, c'est tous des points avec lesquels j'étais d'accord avant de voir le film qui porte le titre de The Last Stand, qui est une production de G. Wooden Kim, qui met en vedette Arnold, bien entendu, et Forest Whitaker, entre autres. Ah, oh, j'aime bien. Ouais, il n'y a pas un très grand rôle là-dedans, mais bon, je m'étais dit, bon, écoute, j'ai le goût de me divertir, puis si c'est pas bon, ben je pèserai sur stop, là, tu sais, ça finit là, là. Ben, j'ai donné quand même un 7 sur 10. Parce que c'est un film d'action, évidemment. Bon, Schwarzenegger joue là-dedans le rôle d'un policier qui a fait une erreur dans une grande ville, puis il a été confiné dans un petit bled aux États-Unis comme shérif, puis il se passe jamais rien, puis bon. Éventuellement, c'est une histoire de terroriste qui rentre en ligne de compte. Oui, c'est très framé là, comme scénario, mais honnêtement, je pense que Schwarzenegger, c'est le meilleur film qu'il a fait en tant qu'acteur. Ben oui. Hein. Je pense que c'est le film où ce qui est le plus crédible. Il n'y a pas de I am the good, you are the bad. Non, c'est là, ben. C'est pas ça, là. Tu sais, il y a du acting qui est beaucoup plus. Ben, c'est sûr que son expérience de sénateur. Ça a dû l'aider. Ça a dû l'aider, point de vue disco, point de vue. Oui, je suis certain qu'au niveau de ce qui était la prestance, qui était le charisme, quelque part, entre guillemets, ça lui a donné certaines leçons. Puis c'est un film qui est quand même assez, je dirais, c'est un film très violent, c'est un film qui a beaucoup d'action. Si tu veux passer, là, je dirais, je pense que c'est 1h35 qu'il dure, quelque chose comme ça. Faut passer 1h35 à te divertir, sans chercher plus loin, sans faire d'effort mental, ça fait le travail, tu sais. Mais t'auras pas le goût de le revoir après. J'ai vu un autre film que je trouve quand même assez bien. J'avais des attentes pour ce film-là, c'est Dark Skies. Je sais pas si ça dit quelque chose. Pas du tout. C'est un film de Scott Charles Stewart qui met en vedette Kerry Russell et Josh Hamilton. Josh Hamilton, c'est un acteur que tu reconnaîtrais le voir. je lisais le synopsis et je me disais, ben, ça doit être original, ça. C'est un film d'extraterrestre. C'est un film d'extraterrestre qui raconte une famille qui s'établit en banlieue, dans une belle grande maison, mais il y a des visiteurs la nuit auprès de son enfant, de son jeune garçon. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe parce que l'enfant a des absences à un certain moment donné, puis il se met à commettre des actions qui sont complètement, illogiques. Puis il reprend conscience soudainement dans un endroit où ce qu'il devrait pas être, puis ainsi de suite. À l'école, il pense que cet enfant-là a un problème psychologique, ainsi de suite. Et à un certain moment donné, il pense même que ce sont les parents qui sont, bon, qui ne sont pas de bons parents, pour ainsi dire. Et jusqu'à un certain moment donné où ce que la mère du petit se rend compte que le jeune garçon parle du marchand de sable qui lui dit « Il m'a fait promettre de ne rien dire », ainsi de suite. Donc, elle se rend compte qu'il y a des comportements bizarres. Puis à un moment donné, elle rentre dans sa chambre en pleine nuit et il y a une forme qui est là. Mais on a l'impression au début que ça nous déroute, c'est comme un phénomène de possession ou de hantise. Mm. Mais carrément pas. Ce sont des extraterrestres qu'ils appellent les gris, qui viennent étudier les humains, qui ont envahi la Terre depuis très longtemps, qui étudient les humains, qui vont sélectionner certaines personnes qui ont un esprit un peu plus, je dirais, malléable pour leur faire faire des choses et éventuellement les enlever. C'est très bien fait. Il y a des moments de suspense qui sont assez élevés et la représentation de ces personnages-là est vraiment pas reposante. D'accord. Fait que c'est un bon film. J'ai donné un 8 sur 10. C'est original, c'était bien exploité. Puis je trouve que les acteurs font un très beau travail là-dedans. Fait que Dark Sky, c'est un film à voir. C'est disponible en Blu-ray, DVD aussi, bien entendu. Et une série dont j'ai pratiquement terminé le visionnement à un épisode près, c'est Metal Evolution de Sam Dunn. Ah, c'est sûr qu'on peut se tromper. C'est vraiment excellent. C'est une série, un reportage, un documentaire télévisé en 12 épisodes qui retrace le portrait. Oui, on sait, Sam Dunn s'est attaqué souvent avec Headbangers Journey et ainsi de suite au phénomène métal. Mais là, cette fois-là, en ayant fait sous forme de série, d'épisodes qui durent, je pense, c'est 45 minutes, il va beaucoup plus approfondissement dans le phénomène du métal. Il part vraiment là au début, là, même un petit peu avant le rock and roll en tant que tel. Il amène des artistes de blues là-dedans, puis ainsi de suite. Il fait un montage extraordinaire. Il interviewe beaucoup d'artistes qui sont encore actifs ou qui l'ont été. Des gros noms, des noms moins importants. Beaucoup de footage qui sont très, très, très bien documentés. C'est un anthropologue, le gars, là, pis c'est pas un gars qui fait les choses à moitié. C'est vraiment excellent. Même, je te dirais, écoute, il y a des épisodes, un épisode, entre autres, qui est consacré au glam rock, glam metal, tout ça. Moi, c'est pas, j'en m'attire vraiment pas cette musique-là. Mais c'est tellement bien fait que tu t'y intéresses quand même. Ça reste intéressant. Ça reste très intéressant. Donc, Metal Evolution, c'est vraiment excellent. C'est un documentaire de Sam Dunn. C'est disponible en Blu-ray et DVD aussi. Et moi, je vous le recommande énormément. Puis ça peut vous faire voir le métal d'un tout autre œil. Chose qui... Il y a des segments qu'on pouvait pas... On peut pas nécessairement suspecter de dire pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et il l'explique bien. Puis il y a certains artistes qui sont interviewés dans ça qui sont carrément des assholes. Tu sais, je pense à Yngwie Malmsteen, là, qui est un gars qui arrive avec 2 heures de retard là à son rendez-vous avec Sam Dunn, puis qu'il arrive, puis il va vouloir dire, regarde, on le fait dessus, là, l'entrevue, je dois ça à faire, c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est épouvantable. C'est un no-name, ce gars-là, cette heure-là, tu sais. Mais à travers ça, tu te rends compte que, malgré tout, le gars a contribué à quelque chose. Fait que c'est vraiment excellent, Metal Evolution. Je vous le recommande pour amateurs de métal et même pour les amateurs de rock, parce qu'il y a un excellent segment des 2 premiers épisodes qui est vraiment consacré à ça. Bref, ceci étant dit, Sinistros nous propose un bloc de flûte. Eh oui, un bloc de folk metal. Bravo! Ben oui, je sais que ça te fait plaisir. Oui. N'applaudissez pas tous en même temps. Une fois de plus, je tripping sur place. Je vois ça, ça paraît aussi. Oui. On dirait que tu as des verres dans le... Oui, j'ai un sternum. C'est cela. Oui. Alors, beau petit bloc de flûte métal. Ah, puis il est long en plus, ce bloc-là. Ben oui. Mmh. 21 belles petites minutes. Mmh. Mmh. Bon, ben je pense que... Avec des trucs que je passe pas souvent. C'est ironique, ça? Ben oui, il y a des trucs que je passe pas vraiment souvent. Ah, OK, c'est correct. Ben, c'est une bonne nouvelle quand même. Ben oui, mais faut que j'en... Il y a un public pour ça. Arrête ça, donc, toi. Oui. Qui, à part toi? Faites-vous-en pas, je me rabaisserai pas à mettre du power. Faites-vous-en pas, là. Il faut que jeunesse se passe. Alors, exprime-toi. Oui. Bon. Formation norvégienne qui est présentement sur pause, Asmegin, avec une pièce qui s'appelle Irterbrand, tirée du dernier album Arv, paru en 2008. Nous aurons du Tyr, Arkona, Folk Earth et Korpiklani. Alors, on commence tout de suite avec Asmegin. Go! Oui, on va commencer tout de suite. On va s'en débarrasser plus vite. Yeah. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. J'y ai survécu. C'était pas si pire que ça. Là. Ben, c'était, en tout cas. Voyons, non, arrêtons de chialer. Non, je chiale pas, je fais juste des constatations. je trouve que c'est de la torture mentale, moi, ça. Là. Ben, non. Ben, puis en plus, il me dit, puis moi, j'ai ça le violon. Ben, pas moi. Corpi Clani avec Before the Morning Sun, tiré du premier album Spirit of the Forest, qui est paru en 2003. Beaucoup de chemins ont été parcourus pour Corpi Clani. Ces 10 dernières années, dernier album, Ukon Waka, qui est excellent. Donc, je pense qu'ils en ont sorti un autre après. Pour mais font-ils encore dans le même style? Bon, là, ils ont probablement évolué le chose. Oui, c'est encore pas mal le même genre, mais en plus étoffé, là. Ça pourrait l'air sûr. Merci pour non, bah ben regarde. Folk Earth. Je vois de quoi sur parole, j'irai pas écouter. Folk Earth, qui est un band international parce qu'il regroupe des membres qui viennent de différents pays de l'Europe. De différentes planètes. Oui, différentes planètes, effectivement. Avec la pièce The Lady's Gift, c'est paru sur l'album By the Sword of My Father, qui est paru en 2006 sur Stygian Crypt Productions. On a eu Arkona avec Goy Kupala, qui est sorti sur l'album Ot Serska Kenebu. De 2007 sur Napalm Records, on a eu Tyr avec Into the Storm, qui est sorti sur l'album By the Light of the Northern Star de 2009 sur Napalm Records. On a un spécial Napalm Records, ben c'est ouais. Bien le fun. Mm-hmm. Il y a peut-être bien que ce label-là qui signe des affaires comme ça, machin. Et Asmejin de Norvège avec Irtebran de l'album Arv de 2008, également sur Napalm Records. Non, décidément, là. C'est comme le black metal, ça vient vraiment pas me chercher. Bon, ben c'est correct. Moi, ça va quoi, puis tu as fait un peu. Ouais, effectivement. ben, je regarde ça, là. C'est pas pour te relancer, là. C'est trop bien moi qui ai les pitons, ça, pour les faire fonctionner, ces maudites tonnes plates-là. Ça s'arrache, les pitons, tu sais. Oui, effectivement, ça s'arrache, t'as raison. Non, je sais pas, c'est... T'as le droit, t'as le droit. Ben là, j'ose espérer que j'ai le droit. Mais là. Comme je te dis, j'irai pas mettre du power metal, parce que moi-même, j'aime pas ça. Mais oui, j'aime le ben là, si tu... Si tu décidais de faire des programmations de ce que t'aimes pas, on aurait un maudit problème. Non, mais ça serait un concept intéressant, par exemple. Programmer ce qu'on n'aime pas? Oui. Non. OK. Non. Mais j'ai pensé une chose, par exemple, à un certain moment donné, de. Bon, je parle pas de faire de consacrer une émission à ça, là. Mais de dire, par exemple, qu'on pourrait peut-être se programmer un bloc de ce qu'on ne pourrait pas passer en temps normal à réanimation. Oh, il y aurait bien du stock qui passerait pas à réanimation. Oui, il y a beaucoup de choses. Parce le que, monde ferait le saut, hein, ça serait comme. Oui, certainement. Faudrait, évidemment, je dis pas, là, partir, puis au lieu de passer là, du métal, aller passer du Gershwin, là, ça passera peut-être pas, là. Non, mais un peu industriel. Mais chercher quoi? Oui, très underground quand même. Oh là. Oui. Ce sera peut-être un concept essayé. Ben, moi, je voterais pour ça. Ça serait drôle. Oui, d'ailleurs, parlant de concept, on a encore skippé cette semaine ce qui était, c'était la dernière édition du mois. On devait présenter notre album fétiche. Mais comme on l'a fait la semaine dernière, parce qu'on avait pris du retard à cause des deux émissions qu'on n'a pas fait finalement, là. On va remettre ça la semaine prochaine. Puis à l'avenir, ce sera le premier mardi de chaque mois. Ben là, on dit ça, là, on le respectera peut-être. OK, ben là, ça sera la semaine prochaine. Ben, ça sera la semaine prochaine, c'est ça. J'ai pas encore décidé ce que ça va être, par contre. Ah, oh, ça va être au courant de la semaine, mais j'ai quand même une très bonne idée, d'après moi. Moi, je pense que ça va être l'album de... Garoulou. Oui, c'est ça. Ben quoi? C'est très bon. Tu passes bien du folklorique, j'aimerais bien t'en passer du québécois. Garoulou, c'est très folklorique. Là. Écoute, il faut que je te conte quelque chose de sinistrose par rapport à Garoulou. Il y a bien longtemps de cela, écoute... Quand t'étais jeune, là. Ben jeune. Ben, j'étais... Pas si jeune que ça. Non, j'étais assez jeune, oui. Okay. Oui, oui. Écoute, j'étais adolescent. Ça fait longtemps. T'as passé par là, toi? Ouais, ben, brièvement. J'avais été voir comment il s'appelle, le Colisée. C'est ça, le Colisée, toi, là, oui? Ouais, à côté de chez nous, là. C'est-tu le terrain de l'expo, toi? Ben, à côté, presque à côté, là. Ben, ils sont à côté de la boutique. Pas si trop, s'ils restent à l'hippodrome. Moi, ouais, je reste au-dessus de la piste, là, tu sais, moi. Ouais. Je campe, là. Ouais, mais c'est Colisée, c'est intérieur, Colisée, ça? Ben oui, c'est intérieur, c'est juste à côté de la boutique industrielle. Là. Exactement, c'est là. J'avais été voir le spectacle d'Offenbach. OK? Et ça, je ne peux même pas dire en quelle année que c'est, là. C'est peut-être en. 80, je ne sais plus, dans ce coin-là. Il y avait deux premières parties à ça. La première, l'opening act était Zachary Richard. Oh, que ça avait été pénible, ça. Malheureusement, je me rappelle, il y avait des problèmes de son, fait qu'on ne l'avait pas trop entendu son accordéon. Le deuxième band, c'était Garoulou. Ben, ça devait être bon. Ben, moi, là, les amis que j'avais à l'époque, parce que j'ai déjà eu des amis aussi invraisemblables que ça peut avoir l'air, là. Ah. t'en as plus maintenant, c'est pour non, ça. Non, non. Ils étaient tous digérés il y a longtemps. Ils sont tous enterrés dans ma cour. Oui, effectivement. I keep my friends closer to me. étaient des. Bref, les amis de l'époque étaient des amateurs de cette musique-là. OK? De ce qui était le genre, le Garoulou. Ben, c'est, moi, je détestais ça profondément. Garoulou, c'était progressif, folklorique en même. Ouais, mais ben, les autres qui écoutaient, c'était le passe plus folklorique, là. Okay. Avec les pièces comme Vermin, tout ça. Puis moi, là, j'étais à bout parce que j'étais un amateur de Black Sabbath, là, de la fin de même. Mais toujours est-il que je trouvais ça correct à Funback, puis je m'étais dit, oui, je vais aller voir le spectacle. Je m'étais dit, bon, on m'a trouvé le temps long, les deux premières parties. Ben, Zachary Richard, oui, j'ai trouvé le temps long, mais ça n'a pas été très, très étendu comme première partie. Deuxième partie, c'est Garoulou. Ben, je voulais vraiment pogner de quoi. Oh ouais, parce que c'était très rock, les affaires. Oh ouais, écoute, il y avait probablement comme remanié les pièces, j'imagine. Là, non, mais il y a certains albums de Garoulou, c'est carrément progressif. Là, ben, c'était très rock. Ah oui, puis j'avais dit, voyons donc, c'est... J'avais regardé mes copains de l'époque, j'avais dit, voyons, vous n'écoutez pas la bonne affaire, vous autres. Ils font là, pas là, juste les rondelles, là, tu sais. Ils en font d'autres aussi. Ouais, ouais, effectivement. Tout ça pour dire que, non, mais j'en écoute pas plus de Garoulou. Non. L'album que je vais présenter la semaine prochaine sera Crumb Suckers. C'est une excellente idée. Eh oui, The Life of Dreams. Que j'ai racheté en version Back on Black Records. Ben oui, en belle édition vinyle. Il est blanc. Il est vraiment beau. Cool. Donc, la semaine prochaine, mon album classique d'influence sera Crumb Suckers. C'est une excellente idée, mon cher ami. Je crois. Ceci étant dit, nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec ma dernière programmation musicale de la soirée, qui est un bloc principalement axé sur, je te le mets en mise, le black metal, voilà. Ah non, tu connais même pas ça. Effectivement, c'est pour ça que c'est n'importe quoi. Non, du death metal. Mais on va débuter avec une formation qui donne dans un death un petit peu plus trashy, en fait, sur cet album-là. Par la formation Gold Ore et la pièce Provoking the Ritual of Gold Death. Gold Ore, c'est plus blackish. Ouais, tu vas voir que cette pièce-là, elle l'est pas partout. C'est un ancien album. 2009. Ah. Carving Out the Eyes of God. Go, go. though.

in the flesh. Flesh. Flesh. Yay! On est enfin arrivé à la plage. On va enfin pouvoir décrocher. Allô, Mathieu, t'as-tu amené tout ce qu'il y avait sur la liste? Oui, oui. Serviette, crème solaire, petite pelle, chaise, portable cellulaire, console de jeu, machine à café. Oui, tout ce qu'il faut. Ben là, Mathieu, t'as oublié mon sac de maillot. C'est pas une plage nudiste? Non, non, pas que je sache. Ben, je puisse quand même vous voir tout nu. Suivez les aventures d'assemblage requis à la plage. Les jeudis de 14h à 18h, on rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. OK, on pourrait se prendre en photo tout nu dans le reflet de l'eau. Ben voyons, dans quoi je me suis embarqué? Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. h 34, l'émission tire à sa fin, mais je vous rappelle que ce samedi 1er juin au Club Soda, c'est la Decibel Magazine Tour qui met en vedette Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation. C'est à 19h. C'est pour tous au coût de 25 et 22 et 30 et 43. Et le vendredi 28 juin prochain au Fofones Électriques, c'est Melakesh en compagnie de Vride, Lightning Swords of Death et Ring of Lies. C'est à 18h, au coût de 20$ et 23$, taxes incluses. Mais là, il faut avoir 18 ans. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, pauvre gobelin? De la musique. C'est moi qui devais le dire. Ben oui, c'est ton bloc. Formation Ihon et la pièce Nothing Left to Destroy, tirée du dernier album Ihon Black, paru en 2012 sur Metal Blade, que c'est un bon excellent album. Tout à fait. Incantation et la pièce The Aliens Genesis, que l'on retrouve sur Vanquish and Vengeance, également dernière apparition de cette formation. Death Metal, tiré sur une étiquette qui porte le nom de Listenable Records. Immolation et Breathing the Dark, tiré de Shadows and the Light, 2007. Le Sennable également. Et nous avons ouvert avec Gold Horror et la pièce Provoking the Ritual of Death, tirée de l'album Carving Out the Eyes of God, paru en 2009 sur Metal Blade. La semaine prochaine, présentation des albums marquants et mythiques pour Sinistros et pour moi. Et pour le reste, j'en ai aucune idée. C'est pas vrai, je le sais déjà. Je vais avoir un bloc qui va être probablement Stoner. Ah non! Ah oui! Ok, c'est bon. Bon, ben, encore une fois, c'était toi qui l'incomble de... Ah, le spectacle de Skeleton Witch demain. Demain soir, Skeleton Witch, Arima et Fuck the Middle East au Rock Café Le Stage. Effectivement. Le prix, j'ai aucune idée. Moi non plus, je ne peux pas vous le dire. Je ne le vois pas sur le site de Trois-Rivières Metal. Mais c'est au Rock Café Le Stage. J'imagine que les portes ouvrent à 19h. Et évidemment, c'est pour tous. Donc, un spectacle qui ne manque pas de vous... Il ne manquera pas certainement de vous... Entertainer. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes pour clore cette émission? Clore cette émission, on va clore de façon rocambolesque et disjonctée. Ah ben oui, je vois ça. Avec un bloc avec beaucoup de notes et beaucoup de rythmes bizarres et de styles musicaux un peu moins orthodoxes et standards dans le merveilleux monde du métal. C'est bien. Oui, mon petit Walt Disney. C'était bien dit. Ouais. Je me sentais là. T'es inspiré. Oh, oui, ça allait bien. Pour tout ça pour dire qu'on a un bloc un peu plus progressif metal. Alors, Counterworld Experience avec la pièce Trinity. C'est tiré de l'album Music for Kings de 2012 sous étiquette indépendante. Ce sera suivi de Alarum et T.S. Devin Townsend et pour finir Moonloop. Allons-y tout de suite, Counterworld Experience. Go! Ça, c'est un fou. Devin Townsend avec Ziltoidia Attacks, tiré de Ziltoid The Omniscient, qui est paru en 2007 sur Inside Out Music. Mais quel musicien de scène! Oh, c'est un fou. Ça. Ah, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un immense respect, puis quasiment une pointe de jalousie envers ce gars-là. Ah, il est très efficace. Oh, oui. Atheist avec Fraudulent Cloth, c'est de l'album Jupiter de 2010, qui est le dernier album d'Atheist. Ce sera peut-être le temps qu'il en sorte un autre. Ben, ça se pourrait, oui. Très intéressant. Alarum de Signal, tiré de Natural Causes, qui est un excellent album. C'est paru sur Willowtip en 2011. Et l'album instrumental de c'est un band instrumental, du coup. Counterworld Experience d'Allemagne avec la pièce Trinity, qui est tirée de Music for Kings de 2012, sous étiquette indépendante. C'est déjà tout. Et oui, peine le temps de se laisser sur une dernière pièce de Moonloop, formation espagnole qui donne dans un death metal. Dans un flamenco metal. Un flamenco metal. Non, pas quand même pas, là. La pièce s'appelle Life Divided, c'est tiré de Deeply From The Earth. C'est paru en 2012 sur Listenable Records. C'est un excellent album que je recommande à tous. On se retrouve la semaine prochaine et sur ce, allez tous vous faire foutre. Mais bien sûr, go!